أي بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ما زلنا في القاعدة الثانية من هذا أو هذه الرسالة الطيبة للإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله، المسمى بالقواعد الأربعة. والقاعدة الثانية ماذا تقول؟ إنهم يقولون ما دعوناهم ما توجعنا بهم إلا طلب القربة والشفاعة. أي نعم، أن المشركين الأولين كانوا يظنون أن عبادتهم لهذه الأصنام لا يجعلهم أو لا تجعلهم مشركين حقيقيا، فهم يرون أن التواصل بهؤلاء الأموات والتقرب إليهم سبب للتقرب إلى الله. نعم، وبهذه العقيدة كفرهم الله عز وجل فوق 7 سماوات. نعم، فإذا تجد بعض الناس من الصوفية وغيرهم يعبدون أهل القبور وينظرون لها أو لهم وماذا يطوفون بقبورهم وكذا، ولما تنصحهم يقول نحن ما نعرف أن الرزق بيد الله وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المحيي المميت المدبر، إنما نتوصل بهؤلاء الأبرار ليقربونا إلى الله زلفى. تمام، وهي مقالة المشركين الأولين. تمام، نعم. طيب، فالشفاعة مقسمة قسمين، l'intercession elle est de deux sortes. Shafa'atun musbata wa shafa'atun manfiya. Une intercession qui est réfutée par le Coran et la Sunna, et une intercession qui est confirmée dans le Coran et dans la Sunna. طيب الشفاعة التي هي منفية في الكتاب والسنة ما هي؟ التي تطلب من غير الله. هي التي تطلب من غير الله، مثل شخص يطلب الشفاعة من ولي فلان أو من ولي فلان. تمام، يطلبها من غير الله. Il demande l'intercession à autre qu'Allah Azza wa Jal, dans une chose que seul Allah est capable. Ça, c'est réfuté. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire « Oh, un tel intercède pour moi le jour de la résurrection. » C'est un shirk. Ma foi, c'est compris ? Ça y est. طيب، وشفاعة المثبتة التي تطلب من الله المشفع له من رجع له قولا وعمله بعد الإيمان. أحسنت أحسنت، c'est celle qui est confirmée par le Coran et la Sunna, celle qui est demandée à Allah عز وجل. نعم، dans une chose que seul Allah سبحانه وتعالى est capable. طيب، et donc, comme l'a dit Mohammed ibn Abdul Wahhab, celui qui fait l'intercession, celui qui sera l'intercesseur, il est honoré par Allah Azza wa Jal. Il est honoré par Allah Azza wa Jal. Donc, Pour pouvoir bénéficier de l'intercession, il faut deux conditions. La première, donc il faut la permission d'Allah Azzawajal. Man dhalladhi yashfa'u illa bi'idhnih. Qui peut intercéder auprès de lui si ce n'est avec sa permission? T'as même? La deuxième condition? La personne qui intercède, il faut que ses paroles et ses actes Naam. Celle, la personne pour qui l'intercession est faite, celle qui va bénéficier de cette intercession, elle se doit de faire partie de Ahl Tawhid, des gens de Tawhid. Même si elle fait partie, même si elle a des grands péchés ou quoi, du moment qu'elle fait partie des gens du Tawhid, fala ba'sa bih. Fala ba'sa bih. Fa ash-shafa'a manfiyah 'anil kafirin. Donc l'intercession, elle est formellement interdite pour les mécréants et les associateurs. Taïf. Inch'Allah, on termine cette qa'ida. Je peux juste redonner un exemple pour le. Pour celle-là, celle qui la deuxième. Qui a accepté? Ça va venir là tout de suite. On va voir les exemples par rapport à au prophète, alayhi salam, et au frère. Taïf. Donc, fa'ida. Al-shafa'a. المثبتة تنقسم إلى قسمين. L'intercession qui est confirmée dans le Coran et la Sunna, elle se divise en deux. Shafa'atun khassatun bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Une intercession qui est spécifique au prophète d'Allah azza wa jalla. La première, c'est une shafa'a khassatun bin nabi. Une intercession qui est spécifique au prophète d'Allah Azza wa Jal. La deuxième, shafa'atun 'amma lin nabi sallallahu alayhi wa sallam wa li ghayrih. C'est-à-dire la première, elle est spécifique au prophète alayhi salatu wa salam. Et la deuxième, elle est pour le prophète ainsi que pour autre que lui. Tamam. Fa ash-shafa'atu al-khassa bin nabi sallallahu alayhi wa sallam anwa'. Donc l'intercession qui est propre au prophète alayhi salatu wa salam, elle est de plusieurs sortes. T'as tout d'abord shafa'atul uzma. Shafa'atul uzma. Fi ahli al-mawqif. Hatta yaqdi Allah bayna al-ibad. La première, c'est celle qu'on appelle la grande intercession. Shafa'atul uzma. C'est celle dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être honoré le jour de la résurrection. Et elle bénéficiera à toutes les créatures de la terre. Que ce soit les croyants comme les mécréants. Et elle consiste en quoi cette intercession? À faire débuter. Non, elle consiste à lancer le jugement. À faire débuter le rendement de compte. Ou le rendement. طيب كما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه كم الحديث أبو هريرة رضي الله عنه كرفقته البخاري ومسلم الحديث طويل جدا où les gens le jour de la résurrection vont s'en aller voir la plupart des prophètes pour qu'ils intercèdent pour eux afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala débute le jugement. Vous voyez? Donc ils vont partir de Nuh, ensuite ils vont aller voir Ibrahim, ensuite Ibrahim ils vont aller voir Moussa, et de Moussa ils vont aller voir Isa, et de Isa ils vont aller voir le prophète alayhi salatu wasalam. Tous les prophètes avant le nôtre, ils diront qu'ils sont incapables. Ils sont incapables de pouvoir leur être utile. Incapables de leur être utile. Sauf le prophète alayhi salatu wasalam. Yaqul, fa'antaliqu, c'est-à-dire lorsque les gens ils vont venir le voir, fa'antaliqu ati tahta al-'arsh. Il va s'en aller et jusqu'à ce qu'il va se retrouver en dessous du arsh, du trône d'Allah Azza wa Jal. Fa'aqa'u sajidan li Rabbi, et je vais me prosterner devant mon Seigneur, ou pour mon Seigneur. ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala va m'inspirer des louanges ainsi que des éloges faits en sa faveur. Il va m'inspirer des paroles que jamais il n'a inspirées à autre que moi auparavant. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. Donc le prophète va rester abaissé comme ça, prosterné plutôt, jusqu'à ce qu'il va entendre la voix, une voix qui lui dira يا محمد, oh Mohamed, lève ta tête, demande, on te donnera. Et intercède, ton intercession sera accordée. فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة. الحديث حديث طويل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة. Donc ça, c'est l'unanimité des savants, comme l'a évoqué Cheikh l'Islam, l'unanimité des savants sont de l'avis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera bien pour la création tout entière lors du jugement dernier, lors du jour dernier. Donc cette shafa'a là, on l'appelle shafa'atul ugma. Ensuite, la deuxième shafa'a, shafa'atuhu fi ahli al-jannah, an yadkhulu al-jannah. L'intercession qu'il va faire en faveur des gens du paradis, afin qu'ils entrent au paradis. Car personne n'entrera au paradis avant le prophète alayhi salatu wassalam. Il intercédera pour que les portes du paradis s'ouvrent. نعم. Et celle-là, elle a pour dalil le verset de Sourate Zumar, verset 71. 71 ou 73, qu'est-ce que c'est? Allah subhanahu wa ta'ala dit wasiq alladhina kafaru ila jahannam zumara hatta idha ja'uha futihat abwabuha. Là c'est une faïda lorawiya. Allah subhanahu wa ta'ala dit et seront conduits les gens qui ont mécru vers l'enfer en groupe. Ils y seront conduits en groupe jusqu'à ce que ils arriveront, c'est-à-dire devant l'enfer. Futihat abwabuha. Futihat abwabuha. Ils trouveront les portes de l'enfer ouvertes. Futihat abwabuha. Et dans l'autre verset qui vient juste après, le verset 73. Donc ça, c'était le verset 71. Le verset 73 qui prouve que les croyants n'entreront pas au paradis, si ce n'est après l'intercession du prophète, ça c'est là. Qala, wasiqa alladhina attaqu rabbahum ila al-jannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat. Dans l'autre, c'est, il n'y a pas le waouh. Futihat. C'est-à-dire, ils arrivent, ils trouvent directement les portes de l'enfer ouvertes pour eux. Juste avec leur présence, les portes, elles s'ouvrent. Tandis que les gens du paradis, wa futihat abwaabuha. Le rajout de ce waouh-là, il est très important. Parce qu'il te fait comprendre qu'eux, ils vont arriver devant les portes du paradis, mais qu'elles vont rester fermées. Qu'elles vont rester fermées. Et c'est dans les ahadiths qu'on comprend que c'est bel et bien par la cause du prophète alayhi salatu wasalam que les portes vont s'ouvrir. Les portes, c'est le verset 73 de Surat Zumar. Tu l'as avec toi, Al-Mukhtar? C'est qui le livre Al-Mukhtar? Ouais, tu peux l'avoir. Taïb. Donc ça, c'est la deuxième shafa'a qui est khas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'intercession qu'il fait pour les gens, pour faire entrer les gens du paradis au paradis. Taïb. طيب وتكتبون كذلك ودليل ذلك حديث أنس عند مسلم حديث أنس عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة. Je suis la première des personnes à intercéder pour le paradis, pour l'entrée au paradis. Donc ça, c'est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera pour l'entrée au paradis. Ça va? Allah Akbar. Il dit quoi, non? Ana awwalu an-nasi yashfa'u fil jannah wa ana aktharu al-anbiya'i tab'an. طيب, ça c'est les deux shafa'a qu'on a vu jusque-là. Ensuite, il y a la shafa'a qu'il a fait pour son oncle, Abi Talib. Shafa'atuhu li Abi Talib. An yukhaffafa anhu al-adab. Une intercession qui avait pour but que l'on diminue le châtiment de Abu Talib dans sa tombe. Une intercession qui avait pour but an yukhaffifa anhu al-adab. طيب كما دل ذلك حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين كما ذلك سلال حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء أو هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك. Dans le Sahihain, il y a un hadith d'Abdillah ibn Abbas qui dit que il a été dit au prophète: Ô messager d'Allah, as-tu été utile pour Abu Talib? As-tu été utile pour Abu Talib? Car certes, il est resté auprès de toi et il s'est énervé pour toi. قال نعم هو في ضحضاح من النار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. Le prophète Hassan me dit, bien sûr, je lui ai été utile, car maintenant il est في ضحضاح من النار, dans un moindre châtiment dans le feu. Et si ce n'était pas, si ce n'était, et si je n'étais pas là, il serait dans le, les plus bas degrés de l'enfer. Hein? Donc là, il se trouve dans le moindre des châtiments de l'enfer par la cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la cause de son intercession. D'accord? Donc ça fait trois intercessions qui sont khas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et min bab al-fa'idah, on avait vu dans le hadith de Jabir أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شفع لأصحاب القبرين اللذين يعذبان وما يعذبان في كبير. Vous rappelez ce hadith? Le prophète Hassan, dans ce hadith, il dit فأحببت بشفاعتي أن يرفعه أو أن يرفعه عنهما أو أن يرفع عنهما ذلك. Donc le prophète, quand il a planté les bâtons dans la tombe, là, c'était une shafa'a. Et tout ça, c'est des shafa'at qui sont khas bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça fait 4. Shafa'at al-udma, wa shafa'a fi ahli al-jannah an yadkhul al-jannah, an yadkhul al-jannah, wa shafa'at fi Abi Talib, shafa'at fi Abi Talib, wa kadhalika al-shafa'a fi ashab al-qabrayn. Donc, en ce qui concerne la shafa'a qui est pour le prophète et pour les autres croyants, c'est-à-dire que les autres croyants aussi vont intercéder. Al-shafa'a fi raf'i darajati al-mu'minin wa ziyadati thawab. L'intercession pour qui a pour but de faire évoluer les croyants d'un degré à un autre, les faire monter d'un degré à un autre, et leur rajouter de la récompense. وهذه لم ينكرها أحد ووافقت عليه المعتزلة والأشاعرة ويدل عليها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في العليين. Al-Hadith. Donc ça, c'est une intercession que personne n'a réfutée. Même les gens de la Bid'a, même les Ahl al-Bid'a, ils ne l'ont pas réfutée. Naam. C'est le fait de que l'intercesseur, que ce soit le prophète ou un autre, il demande à Allah de faire monter en degré un tel ou un tel parmi les croyants et de leur rajouter de la récompense. Naam. Hada, c'est une intercession qui est confirmée pour le prophète et pour autre que le prophète. Taïb. Le hadith que je vous ai parlé au sujet de la shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les gens du paradis. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ati bab al jannah yawm al qiyamah fa astaftihu fa yuqal fa yaqulu الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك أو قبلك. تمام؟ Vous avez tous compris le hadith ? نعم. وفي لفظ له أنا أول شفيع في الجنة. طيب. Parmi le fait, les hadiths, là, vous pouvez me dire, c'est quoi le dalil qui montre que les croyants, ils peuvent intercéder pour que d'autres croyants aient des plus hauts degrés. Eh bien, dalil. Hein? Parmi ce qu'on a vu. Ouais. On a pas vu le dalil. Ouais. Mais l'intercéder, c'est qu'il est plus un plus haut degré, voilà. Au paradis ou dans... Au paradis. Un hadith de Abdullah ibn Abbas. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. تمام. Il y a pas une personne qui meurt, hein, tout en étant musulman, et dont il y a 40 personnes qui prient sur lui. 40 personnes parmi les gens qui ne font pas de shirk. 40 personnes muwahhid qui prient sur lui sans que Allah subhanahu wa ta'ala il fasse de ces 40 personnes des intercesseurs pour ce mort-là. C'est-à-dire que leurs invocations pour ce mort-là vont être acceptées. Donc, ça c'est une chafa'a qui est propre pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme pour les autres des croyants. كذلك الشفاعه في من دخل النار من عصاه اهل التوحيد ان يخرجوا منها. Et aussi l'intercession qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accorder au prophète ainsi que aux croyants pour faire sortir des gens qui sont rentrés dans le feu de l'enfer parmi les gens du tawhid. Et afin de les en faire sortir. Celle-là rentre dans la deuxième, là, Shafa'atou. Non, la Shafa'atou Am. Les Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, ou les Réels. Donc c'est deux. Celle précédente, elle rentre dans celle-là aussi. Dans la deuxième. Voilà. Taïb. Je peux juste répéter. Taïb. الشفاعه في من دخل النار من عصاه اهل التوحيد. L'intercession en faveur de ceux qui seront ou qui auront pénétré le feu de l'enfer parmi les pécheurs monothéistes. Afin de les en faire sortir. Comme le hadith de Abi Sa'id et Sahih Muslim. Comme le hadith de Abi Sa'id fi Sahih Muslim. Dedans, il est dit فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. Les prophètes vont intercéder, les anges aussi, ainsi que les croyants. Ça, c'est pour faire sortir les gens du feu de l'enfer. Et enfin, la troisième. Les anges qui vont intercéder, bon, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à, c'est aux anges qui notaient. Il n'y a pas de pression à ce que c'est les anges qui aient noté ou... Al-Malaïka. Taïb. La troisième. Al-Shafa'a fi man yastahiqu an-nar min 'usati ahli at-tawhid alla yadkhuluha. Intercession en faveur d'une personne qui méritait d'entrer en enfer afin qu'elle n'y entre pas. Toujours parmi les gens du Tawhid, toujours parmi les monothéistes. Ça, c'est une intercession qui est confirmée pour le prophète et pour les croyants. Et là, il y a une parole Jamil de certains savants qui évoque au sujet de l'intercession. L'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle la shafa'at al-uzma. Comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se prosterner. Dans certaines versions, il se prosterne et il invoque plusieurs fois et pendant un long temps. Hein? Et ça montre déjà كما قالوا هنا وهكذا تكرر هذه الشفاعة ثلاث مرات لنعلم أن الشفاعة كلها لله لا يجوز أن تطلب الآن من رسول الله ولا من غيره. Si le prophète déjà, le prophète sallam, il n'avait pas l'intercession dans les mains. On est venu, on lui a demandé qu'est-ce qu'il avait. Il n'a pas dit ok, j'intercède pour toi. Ça, c'est le prophète, la meilleure créature qui ait foulé la terre. C'est-à-dire, comment des gens qui sont bien moindres que lui en importance, ils peuvent intercéder pour un tel ou un tel. Le prophète, Azel, on est venu toute la... C'est-à-dire, il a vu les êtres humains, dans leur grand nom, venir le trouver pour qu'il intercède. Il n'a pas dit j'intercède directement. Il est parti... se prosterner, invoquer Allah, d'invocation que seul lui connaît. C'est-à-dire que seul Allah subhanahu wa ta'ala va lui inspirer. Et il est resté un long temps à invoquer. Et il a répété sa demande d'intercession plusieurs fois avant que cela lui soit permis. Donc là, on voit bien que la shafa'a, elle appartient à Allah azza wa jalla seul. Tamam? Elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Taïb. Wa fa alladhi yurid anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yashfa'u lahu yad'u Allah azza wa jalla. Celui qui veut que le prophète sallam puisse intercéder pour lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit invoquer Allah azza wa jalla. Ni il demande au prophète, ni il demande à Wali un tel, ni il demande à... Il invoque Allah Azza wa Jalla. Wa kadhalika li yaqul la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi. Et aussi, il peut dire la ilaha illallah d'une manière sincère. Il dit cette parole-là d'une manière sincère, du fond du cœur. Parce que Abu Huraira, il a demandé au prophète sallam, Ayyun nasi as'adu bi shafa'atika ya Rasulallah. Qui est la personne qui sera le plus heureux par ton intercession? Le prophète sallam lui a dit, Man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbih. Celui qui dit la ilaha illallah sincèrement du fin fond du cœur. Donc juste avec ce dhikr-là, Inch'Allah, tu peux faire partie de ceux pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera. نعم. وبهذا قد انتهينا من القاعدة الثانية وإن شاء الله الدرس الآتي إما نكمل إما سنكمل الكتاب أو إما نجعله على درسين على كل حال الأسبوع الجاي نكمل هذا الكتاب القواعد الأربعة تفضل Par c'est un dalil qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il m'a invoqué par des invocations et de surcroît il invoquera sans doute par des noms et des attributs d'Allah que personne ne connaît. Yeah.